le vieux chantre à cheveux d'écume. Celui qui gueulait dans la nuit comme un prophète à voix de brume. Fantôme issu de l'infini, dix ans après le grand départ, s'en est venu semer sa foudre en ce petit matin blafard. Quand j'avais l'âme un peu trop lourde, un peu trop lourde, le vieux rimeur à cheveux d'ange, revenu des apocalypses, entouré de coursiers étranges, de l'an 10 000 en ellipse. Le barde à crinière d'orage a posé son regard lucide sur mon silence d'enfant sage, en une tendresse limpide. Il dit: pourquoi, pourquoi tout ce silence? Il est temps d'élever la voix, s'extirper de l'incohérence pour marcher tout droit devant soi. Le temps s'écoule vers le vide, vers les néants de l'à peu près. Assez de ce sommeil stupide. Dis-moi que tu es enfin prêt. Ce grand trouble du cœur qui s'ouvre, c'est la clé de l'ultime ivresse. C'est l'amour qui cherche et qui trouve tous les atomes de la peur. N'auront jamais le dernier mot. On porte en soi monde meilleur dès qu'on ne vit pas pour de faux. Il faut vivre l'incandescence. L'amour est un vaste incendie. Il avale tout dans sa danse. On ne vit vraiment que par lui. Ancre-toi bien dans sa spirale, jusqu'aux confins des démesures. Et que le délire t'avale, ta seule nourriture. La vie des hommes qui vacille dans les machines du pouvoir. Cinéma de la pacotille. tombe son masque un peu trop tard. Tous les faux semblants s'effilochent. Quand batelier du grand retour, le matin où il se rapproche, les guignols trouvent le temps court. Laisse causer tous ces pantins, ils vendent toutes les menaces. C'est le matin des grands crétins. Enfin s'émeut leur cœur de glace. Regarde bien dans leurs yeux vides. Ils suent la peur à grosses gouttes. Ils voudraient soudoyer les guides pour tromper la mort coûte que coûte. Moi qui te parle d'autres tombes, je dis qu'il faut aimer beaucoup, à semer autant d'hécatombes. Ces fous n'ont rien compris du tout. Il ne faut plus les laisser faire. Ces imbéciles sans vision qui s'amusent à tout foutre en l'air. Qui va leur couper l'ambition? Ils se sont crus toujours les maîtres, entourés de leurs chiens kaki. Ils n'ont vécu que pour paraître. Le jeu s'achève et ils sont pris. Ils t'auront fait douter de toi, de la voix qui parle en ton cœur. Ils t'auront fait marcher au pas. Et c'est à leur tour d'avoir peur. La vie est belle et bonne à boire. Si tu savais comme elle me manque, je nourris quand même l'espoir d'un jour pouvoir quitter ma planque. On peut rêver, c'est un devoir. Je reviendrai gueuler chez vous. Je me mettrai à la guitare et je voudrais chanter partout. Chanter partout. Il te faut prendre la parole. Raconte-leur ce que j'ai dit. Ils diront que ta tête est folle. N'oublie surtout pas l'anarchie, cette arme pour la liberté. La terre est le vrai paradis. Je n'ai jamais pu l'oublier. Dis-moi que tu m'as bien compris. Dis-moi que tu m'as bien compris. Pourquoi tout ce silence? Il est temps d'élever la voix. marcher tout droit devant soi. Devant soi.